marre de s'avancer, pris de ses futilités. Va aller les voir aller dans leur belle carriole, les petits bourgeois et leur belle farandole égoïste, adulateur de ses banalités. À coup de carte tibétine, sans aucune rancune, est-il univers en rien de cette fortune? Tous ces chiens et leurs belles chiennes, adieu les valeurs qui étaient siennes. Oh, allez, faites briller vos ailes. Oh, allez, les petits bourgeois n'ont que faire de votre misère. Ils errent sur des flots un peu moins éphémères. Oh, allez, les petits bourgeois n'ont que faire de vous et moi. Qu'on laisse traîner au vent, elles pâturent les parures sous des yeux ignorants. Les bourses qu'elles vident pour mieux vider la bourse, le regard méprisant, mon petit mousse. Les petits bourgeois ont compris tout mieux que nous. Ils prennent tout l'or du monde et ils s'en rendent fous. Nous on est peureux et ils ont l'air plus heureux. Et crois-tu à leurs airs prétentieux? Allez, faites briller vos ailes. Allez, les petits bourgeois n'ont que faire de vos misères. Ils errent sur des flots un peu moins éphémères. Allez, les petits bourgeois n'ont que faire de vous et moi. Ils flânent sur l'ivresse à leur petite noix. Dans leur belle carriole, les petits bourgeois et leur belle farandole égoïste, adulateur de ses banalités.